Section 83 de la lecture. Tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous dans LibriVox.org. Lu par Zenobie. La lecture. Tome 2. Section 83. Catissou par Jules Carotti. Chapitre 4. Voilà d'ailleurs comment un coup de couteau fut cause d'un bon mariage, où il n'a jamais été question de coup de canif. Ma blessure guérit, je n'ai pas besoin de vous le dire, puisque me voilà. Mais elle guérit deux fois plus vite parce que ce fut Catissou qui la soigna. Elle devenait une sœur de charité, la femme silure, et quand je fus sur pied, top là, qu'elle me dit, vous me plaisez, je vous plais, et je vous jure d'être une brave femme. La grand-maman Coussac, qui dort maintenant à Louya, vivait encore. Le mariage de Catherine fut sa dernière joie, pauvre bonne vieille. Je me trompe, sa dernière joie fut le jugement de la canaille qui avait tué le maître maçon. C'était un gâcheur de plâtre, un nommé Marsalou de la Souterraine, dans la Creuse. Un député de la Creuse, comme on dit, et qui s'étant présenté chez M. Sabourdi pour travailler, y avait entendu parler de l'argent confié par le patron à Léonard Coussac, et alors, excité par la chose, s'était dit « Tiens, il y a un coup à faire !» Et il l'avait fait, tout seul, pas de complice, un paresseux avec un poil dans la main, mais un énergique. Après le meurtre, il avait gagné Paris, et là, il avait fait la vie avec des filles. Puis il était revenu à Guéret, puis à Limoges, l'argent mangé, cherchant l'ouvrage. Quel ouvrage ! Tous les ouvrages, même du rouge. Il se défendit à peine devant la cour d'assises. Il semblait dire comme ça, « Vous m'avez pris, allez, tant pis pour moi. » On le condamna à mort. Il avait avant ça essayé de s'assommer en se cognant la tête contre la muraille dans sa prison, et en disant, « C'est égal, le bourreau ne m'aura pas. » Le bourreau l'eut tout de même. « Je ne m'attendrai pas beaucoup, moi, sur ces messieurs-là. Et ils ne nous ratent pas, eux. » La main de celui-là, sa fameuse main, qui rappelle, qu'on m'a dit, celle de Tropman, est conservée dans un bocal plein d'esprit de vin à l'école de médecine. Vous pourrez la voir, elle en vaut la peine. À l'audience, ce n'est pas pour me vanter, le président m'avait félicité. Je dis ça parce que c'est vrai. Moi, je n'avais plus besoin de ces félicitations-là. Je n'avais plus besoin de rien. J'avais Catissou. Le jour de la noce, pourtant, mon capitaine mit dans la corbeille, on dit la corbeille, mais nous n'avions pas de corbeille, mes galons de brigadier. Ça, par exemple, ça me fit plaisir. Et depuis ce temps-là, si vous voulez voir un homme heureux, regardez-moi. En voilà. On a fait des propositions à Catissou pour l'engager dans des cirques comme femme silure, jusqu'en Australie qu'on a demandé si elle voulait rentrer au théâtre. Les journaux avaient parlé de son histoire et ça montait la tête au directeur de cirque, vous comprenez? Quand on lui parle de ça, Catissou, elle se met à rire. Femme silure, allons donc, elle a bien autre chose à faire. Elle a les marmots à laver, mes épaulettes à blanchir, la basse-cour à surveiller et la maison à faire marcher. Et tout ça marche au doigt et à l'œil, les moutards, les poulets, les canards. Et le brigadier avec. Non, non, Catissou n'est plus artiste, mais sa perlotte. Si jamais il se commettait un crime dont on ne trouverait point le coupable en Limousin, je suppose, ah, Félédie, je me fierais plus à elle qu'à tous nos limiers de police. Elle a les yeux fins, Catissou, et n'a pas froid à ces yeux-là. Fin de la section 83.